Not ask, just say, hey, did you get your hair cut? It looks cool. Also, have you saved even more by bundling with Geico? Or maybe, hey, did you get your hair cut? It looks weird. Not weird, cool. Anyway, have you bundled with Geico? Or try, hey, did you get your hair cut? It doesn't look weird at all. Anywho, have you saved by bundling with, hey, easy with that rake. Bundling is easy with Geico. Just ask your neighbors. You could try. No, Umbrella, that my lover was just for you. My darling, I need you to call my own and never do wrong. Hold in mind your little hand. I'll know too soon that all is so grand. Please hold my hand. My head is stronger. Nostalgie 60, les plus grands artistes des années 60. Nostalgie. Millions de Chinois, et moi, avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, 80 millions d'Indonésiens, et moi, avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, 300 ou 400 millions de noirs, et moi, qui baise au brunissoir, au sauna pour perdre du poids, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, 300 millions de soviétiques, et moi, avec mes manies et mes tics, dans mon petit lit, en plume d'oie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 50 millions de gens imparfaits. Et moi. Qui regarde Catherine Langer à la télévision chez moi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 900 millions de crèvent la faim. Et moi. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 500 millions de Sud-Américains, et moi. Je suis tout nu dans mon bain avec une fille qui me nettoie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 50 millions de Vietnamiens, et moi. Le dimanche à la chasse au lapin, avec mon fusil, je suis le roi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 500 milliards de petits martiens, et moi. Comme un con de Parisien, j'attends mon chèque de fin de mois. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, j'y pense et puis j'oublie. last night. Quietly, she walked through my mind as I lay searching for sleep. Her soft hand reached out. She whispered my name as she brushed a tear from my cheek. And then those funny, familiar, forgotten feelings start walking to watch love go bad, but a true love would not have gone wrong. I'm just thankful for the good times we've had, for without them I could not go. Les chansons cultes des années 60. I'll send you all my love every ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. Ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. Chauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers. Elle va mourir là, maman. Sainte Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria. De souvenirs autour de toi, toi, la maman, il y a tant de larmes et de sourires à travers toi, toi, la maman. Et tous les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil, elle va mourir là. Boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que Santa se pêle-mêle sur les bancs, foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste, près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman. Femmes se souvenant des chansons tristes d'éveillées, elle va mourir là, maman. Tout doucement, les yeux fermés, chante comme on berce un enfant après une bonne journée, pour qu'il sourit en s'endormant. De souvenirs autour de toi, toi, la maman, il y a tant de larmes et de sourires à travers toi, toi, la maman, que jamais, jamais, jamais tu nous quittes. Just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, what they say. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody just for me. There's nobody just for me. I'm so sad and lonely. sad and lonely, sad and lonely. Won't some sweet mama come take a chance with me? Cause I ain't so bad. Baldi bozi bat blibap. I ain't got nobody. Oh, and there's nobody to kiss for me. There's nobody to kiss for me. Nobody. Nostalgie à tout moment sur sa tablette ou sur son smartphone, c'est simple. Téléchargez l'application mobile Nostalgie Belgique et profitez de votre musique préférée à chaque instant. Écoutez Nostalgie à tout moment sur sa tablette ou son smartphone, c'est simple. Branchez-vous sur notre site nostalgie.be ou téléchargez l'application mobile Nostalgie Belgique. Une furieuse envie de chanter Nostalgie. Nostalgie. Nostalgie 60. Les chansons cultes des années 60. Nostalgie. Aujourd'hui, c'est le bal des gens bien. Demoiselles, que vous êtes jolies. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos riens. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien

qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus, on se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher, tremblant comme un jeune marié, mais plus riche qu'au jour passé, de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher, j'ai l'air bête sur ce palier, aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher. Nostalgie 60. Nostalgie. Out of the tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started into hum. Still, it's a real good bet, the best is yet to come. Best is yet to come, and babe, won't that be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. I'll wait till the warm-up's underway. Wait till our lips have met, and wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? Best is yet to come, come the day you're mine. I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine. We're gonna drain the cup dry. Wait till your charms are ripe for these arms to surround. You think you've flown before, but baby, you ain't left the ground. Wait till you're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine place. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day. Come the day you're mine, and you're gonna be mine. Laisse-moi te dire, tu dis des bêtises, petit, mon qui te nuise, dis rien, mon amour. Ce n'est pas moi te dire, tu dis t'es... suis à bout. Ça ne va pas du tout. Y a des jours, crois-moi, où rien. Nostalgie 60. Nostalgie. Oh, N'as-tu jamais pensé à te marier? De toutes mes sœurs qui vivaient ici, tu es la seule sans mari. Non, non, non, ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. As long as you stand by me.

need someone on the stand off the now, and there you were. With sweet love and devotion, deeply touching my emotion. I won't stop. Stop. Thank you, baby. Thank you. Il est 19h. Consuela, she say. You better come home, speedy kind, darling. Away from Cattery Road. Stop all of your drinking. Where that palooza name flow. Come on home, be your adobe. And slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Sweatshirt, I smell some perfume in your ear. Nice. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines, et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme au passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi, que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne, qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement? Parle de bonheur, a souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue? Une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces rades inconnues. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement? Nostalgie 60, la radio de vos années préférées. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you. to say it any other way. You love me? How wonderful. Oh, how wonderful that such a thing can be. Just we two. Adds up to I love you and you love me. I love you. How many different ways are there to say I love you? Ti voglio bene, te quiero, ich liebe dich, je t'adore. I love you. No need to say it any other way. And honey, honey, you love me? How wonderful that such a thing can be. Baby, just we two. Adds up to I love you and you love me. You with your masquerading and you always contemplating what to do in case happiness found you. Can't you see that it's all around you? So follow me. Hey, come on, baby, follow me. I'm the Pied Piper. Follow me, I'm the Pied Piper. And I'll show you where it's at. Come on, baby, can't you see? I'm the Pied Piper. Trust in me. Are you trying to prove it ain't true that your life has kicked you? It's your mind, and that's all that's tricking you. So step in line. Hey, come on, babe.

écouter Nostalgie à tout moment sur sa tablette ou sur son smartphone, c'est simple. Téléchargez l'application mobile Nostalgie Belgique et profitez de votre musique préférée à chaque instant. Écoutez Nostalgie à tout moment sur sa tablette ou son smartphone, c'est simple. Branchez-vous sur notre site nostalgie.be ou téléchargez l'application mobile Nostalgie Belgique. Une furieuse envie de chanter. Nostalgie. Nostalgie. Nostalgie 60. Vous êtes au cœur des années 60. Nostalgie. Ce soir pour la première fois, mes parents m'ont enfin permis d'inviter des amis chez moi. C'est ma première surprise partie depuis plus de 5 ou 6 mois. J'avais vainement essayé, c'était pareil à chaque fois. Quand je demandais, on me refusait. Mon père prenait ça de haut, ma mère disait que c'était. Thank you. Three stars will shine tonight, one for the lonely. That star will shine its light each time that someone sighs. Three stars for all to see, one for young lovers. That star was made to be the sparkle in their eyes. And for the third star, only one reason. A star you can wish on to make dreams come true. Stars are shining. I hope that star of love will shine down on you. The third star, only one reason. A star you can wish on to make dreams come true. High in the sky above, three stars are shining. I hope. Drag it is getting old. Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little elf. Gets her through her busy day. Things are different today. I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she buys a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, get her through her busy day. Dr. Pease, some more of these. Outside the door, she took four more. What a drag it is getting old. Men just aren't the same today. I hear every mother say, they just don't that you get tired. They're so hard to satisfy. You can tranquilize your man. So go running for the shelter of a mother's little helper. And for help you through the night, help to minimize your flight. Doctor, please, some more of these. Outside the door, she took four more. I hear every mother say, the pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper. They've just helped you on your way through your busy dying day. 60. Vous êtes au cœur des années 60. Nostalgie. Sachez me posséder, me consacrer. m'amer, me consumer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme, soyez l'homme. Agissez. Déshabillez-vous. Color box, salt, shoe, shine.